changé de couleur. La grande table envahie de fumeurs s'allonge et se partage. Et se partage à contre-cœur. L'ombre des arbres a pris un air boudeur. À quatre pattes au milieu des buveurs, j'avance et m'interroge. Le docteur me guette, son œil me parle, ses bras me démêlent de ce brouillard. Je me réveille un peu plus chaque soir. Chaque nuit.